Unité 8. Tâche 1A. 40 ans, 40% de réduction. 50 ans, 50% de réduction. 60 ans, 60% de réduction. Non, vous ne rêvez pas. Chez Grand Optique, la valeur n'attend peut-être pas le nombre des années, mais le prix de vos lunettes, si. Chez Grand Optique, entre le 5 et le 30 mai, plus vous serez âgé et moins vous paierez. Ne tardez donc plus. Entre le 5 et le 30 mai, si vous avez 55 ans, vos lunettes vous coûteront 55 fois moins cher. À bientôt !